Chapitre 20e, la belle gâteau. Miss Eden ne put s'empêcher de rire. « Un homme à vous, la dame en deuil. »« Ah, mon ami, vous êtes d'une ingéniosité qui me stupéfie. Je vous admire. »« Permettez-moi de poursuivre, » fit Paulin Broquet. Donc, au moment où les bronchipeurs, bousculés, cahotés et affolés, ne sauront de quel côté se tourner pour se tirer de la bagarre, ils seront enchantés de voir la dame en deuil leur faire signe, les appeler. Et comme la bagarre conduite par moi et Gabriel les poussera précisément de ce côté, ils s'empresseront d'accepter l'asile que leur offrira dans sa voiture leur ami du cirque, la dame en deuil. « J'ai compris, » fit Miss Eden. « On fera monter Darling dans la voiture. Darling et les bons shippers. Puis on y poussera aussi Miss Eden. Vous y serez un peu serré, mais vous ne vous en plaindrez pas. » Et la voiture, aussitôt, arborant un signal qui lui ouvrira partout le chemin, fera lever pour elle le barrage établi. Filera. Filera vers un endroit sûr. Alors seulement, quand l'auto s'arrêtera et se trouvera dans une propriété dont je suis sûr, puisqu'elle est à moi et admirablement gardée, alors seulement, quand Miss Eden et Darling seront en sûreté, Miss Eden pourra dire à Darling qu'elle est sa mère, et goûter enfin un bonheur depuis tant de temps espéré et si vaillamment gagné. Miss Eden prit dans les siennes les mains de Paulin Broquet et les serra longuement, cordialement. « Oh, mon ami, » dit-elle affectueusement, « mon cher ami, pourrais-je jamais assez vous remercier de ce que vous aurez fait pour moi ?» Paulin Broquet dit seulement, « Maintenant, armez-vous de courage. Faites appel à votre sang-froid et, l'heure venue, suivez la consigne en véritable Broquet. Chacun ayant fait son devoir, le reste regarde celui qui donne la victoire. Je vais le prier jusque-là. À bientôt. » Paulin Broquet se retira. Il se rendit à la banque pour surveiller les derniers préparatifs de l'expédition. La caisse, depuis longtemps prête, devait être transportée vers 6 heures dans un fourgon spécial que des agents, des gardes municipaux escorteraient. Le fourgon ressemblait extérieurement à une de ces sinistres voitures de la préfecture de police qui vont de poste en poste, dans chaque quartier, ramasser les malheureux cueillis dans la journée ou dans la soirée, le fourgon appelé vulgairement « panier à salade ». À vrai dire, Paulin Broquet ne croyait pas beaucoup à l'efficacité de ce stratagème dont l'ingéniosité ne lui paraissait pas excessive. Il eût préféré, lui, que tout bonnement on se servît d'une des voitures qu'emploient les grosses banques, la Banque de France par exemple, pour transporter le numéraire. Mais c'était une idée d'un des chefs de l'administration. Il n'avait qu'à s'incliner et à s'arranger pour que Zigomar, nullement dérouté, ne lui enlevoie point la précieuse caisse. Tout était donc prêt, le colis chargé sur le fourgon à sinistre allure. Il ne restait plus qu'à atteler les chevaux et à se diriger vers la gare de Lyon quand l'heure serait venue. Paulin Broquet s'étant par lui-même assuré que tout était en ordre, que ses hommes se trouvaient à leur poste, qu'à la gare les dispositions d'embarquement étaient réglées, revint du côté du cirque moderne. Paulin Broquet avait choisi cet après-midi pour une double raison. Il supposait que les Zigomar ne se doutaient pas qu'ils connaissaient le secret de la villa de Garches et que par conséquent ils négligeraient la surveillance de ce côté qu'ils n'escorteraient pas Darling au cirque. Et surtout, il pensait qu'ils ne la garderaient pas après la représentation pendant qu'elle luncherait. « Ils savent, » dit-il à Gabriel, « qu'à 7 heures je devrais me trouver à la banque et prendre livraison de la caisse d'or. Donc ils croiront n'avoir rien à craindre de moi. » Ils penseront que nous sommes occupés ailleurs et tout à cette affaire pour laquelle eux, de leur côté, se préparent à nous donner bien du mal. » Paulin Broquet dit encore à son lieutenant « Et comme leur effort va se porter sur l'enlèvement de la caisse, ils doivent forcément négliger Darling. Ils auront sans doute laissé 1 ou 2 hommes pour surveiller l'enfant, mais ce n'est pas ce qui pourra nous empêcher d'agir. Les aides se tenant aux environs de la banque, aux abords de la gare ou prêts à prendre le même train que la caisse d'or, nous aurons à peu de choses près le terrain absolument libre. » Comme son chef, Gabriel avait grande confiance dans l'enlèvement de Darling. L'heure arriva, la représentation eut lieu. Miss Eden vint au cirque et reçut les félicitations de ses camarades. Tous les hommes de Paulin Broquet se trouvaient à leur poste. L'amorce, en bon bourgeois, se tenait auprès de la plus belle des femmes de l'univers, peut-être aujourd'hui plus belle que jamais, après les souffrances de sa blessure, et dans le rayonnement du bonheur tant attendu et qu'elle allait enfin atteindre. La mort sut empêcher Miss Eden d'apercevoir, de reconnaître, de deviner dans la salle, pendant le spectacle et dans la foule, au moment de la sortie, Darling entre ses grands-parents. Sa qualité de vieille habituée et d'aficionado l'y autorisant, la mort se fit quelques pas encore avec Miss Eden sur le trottoir, jusqu'à une porte voisine vers laquelle il poussa tout doucement les cuillères. Depuis un moment, Darling et ses grands-parents, lentement, prenant des précautions infinies, avaient traversé la chaussée. Les deux vieux, tenant chacun par un bras leur Darling, tournant la tête de tous côtés, de leurs mains libres maniant un gros parapluie pour faire signe au cocher d'arrêter, à grands pas, tirant l'enfant chacun de leur côté, grotesque et touchant dans l'affolement de leur tendresse, gagnèrent la pâtisserie habituelle. Darling, jolie comme une poupée, fraîche, dorée et rose comme un keepsake, riait d'être ainsi tiraillée, et déjà ses grands yeux ouverts lorgnaient les gâteaux qu'on apercevait à travers les glaces de la devanture. Alerte, vive, adroite, Darling eut, comme en se jouant, traversé toute seule la chaussée la plus encombrée. Mais pour rien au monde, pour aucun gâteau monumental, pour aucune pièce montée, elle n'eût donné 7 minutes d'affolement de ses bons parents. Car elle se rendait bien compte que tous deux, empêtrés l'un dans sa longue redingote, l'autre dans sa volumineuse robe à volant, elle avait peut-être connu l'air des crinolines, ne l'attiraient nullement d'affaire, malgré leur cri comique en anglais français de « Prenez garde !» leur mouvement de parapluie protecteur, mais que c'était elle qui, tout en étant tirée d'un côté et de l'autre, finissait par entraîner les bons vieux éperdus par leur faire franchir la périlleuse chaussée et, après cette traversée, par débarquer à bon port devant la pâtisserie. Ce jour-là, il y eut peut-être un peu plus de remous que les dernières fois, parce que les agents allaient établir un barrage. C'était, disait-on, pour apprendre au cocher et au chauffeur un nouveau mode de circulation. Le système était extrêmement simple. Mais comme Paris est en France, et qu'en France il faut absolument qu'on fasse opposition à tout ce qui vient de l'autorité, à plus forte raison quand la police en surveille l'exécution, chacun y mettant une extrême mauvaise volonté, la rue qu'on voulait dégager, elle eût été sûrement, se trouva bientôt encombrée depuis le bas jusqu'à quelques mètres de la pâtisserie où se trouvait une rue transversale. Au milieu de tout ce tapage, de toutes ces émotions, Darling, n'en riant que de plus belle, arriva plus joyeuse à la pâtisserie. Elle avait le droit de quitter la poigne de ses bons parents en mettant le pied sur le trottoir et d'entrer seule dans la pâtisserie. On l'y connaissait, on l'y attendait, on l'y appelait la petite Anglaise, on l'y accueillait avec joie. Tout le monde, clients, employés, lui souriait. Il semblait qu'avec elle le printemps se montrait, qu'avec l'or de ses boucles folles échappées de son énorme chapeau au cours de l'émouvante traversée de la rue, le soleil pénétrait dans le magasin. Elle disait bonjour comme en chantant, et tout en faisant son choix. Avec son amusant accent franco-anglais, elle indiquait d'un air décidé « Je voulais 7 gâteaux ». On s'empressait de la servir. À belles dents, elle croquait. De sa langue rosée, elle rattrapait la crème dans la cuillère ou autour de ses lèvres gourmandes, et ses petites mines de chatte la rendaient plus fillette, plus jolie encore. Aujourd'hui, son lunch achevé, son thé bu, son paquet de belles gâteaux bien ficelés, elle se remit comme toujours entre son grand-père, le vénérable Shipper, et Mrs. Shipper, sa digne grand-mère. Puis, tous trois sortirent du magasin pour rejoindre la voiture qui les attendait à quelques pas de là.